Merci, merci beaucoup. Après tant de mises en garde par Gilles-Désiré Digosset, je pensais qu'en me retournant, je verrais une salle quasiment vide. Donc j'étais un petit peu angoissé, mais je vois que vous êtes encore fort nombreux et je vous en remercie. Je ne serai pas long, je vais être très, très même rapide parce que je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites et que la journée a été très, très fructueuse et très, très stimulante. Et qu'en plus, clore une journée et je dirais clore des débats qui portaient sur un droit qui est encore en construction, en évolution, est un exercice en plus extrêmement périlleux et je ne voudrais pas me trouver dans la situation de préempter des décisions qui appartiennent, on le comprendra bien, enfin qui appartiennent, qui en tout cas seront le fruit maintenant d'un dialogue que nous allons maintenir extrêmement fort et nourri avec Etalab pour ce qui est de la transposition de la directive, mais qu'évidemment tout cela sera après ça soumis au débat parlementaire. Et donc là aussi, il y aura sûrement des amendements et des évolutions significatives dans le texte qui, je dirais, déterminera les conditions dans lesquelles une réutilisation des données culturelles se trouve être possible. Donc on voit qu'il y a, et on l'a senti tout au long de la journée, en tout cas encore beaucoup de questions qui demeurent un peu posées, que même si apparemment, on l'a dit ce matin, on a l'impression qu'effectivement la nouvelle directive ne change pas grand-chose finalement par rapport à notre droit national qui avait été une nouvelle fois en 2005 et dans sa transposition dans la loi CADA très au-delà de l'esprit de la directive de 2003, on voit quand même, et le président Daël l'a dit ce matin, que les questions de périmètre, de tarification, les questions également liées au droit d'exclusivité, enfin les conditions dans lesquelles le droit d'exclusivité pourrait se faire, sont des sujets importants et qui vont nécessiter des débats et des échanges encore importants. Et donc, effectivement, il faudra être attentif à cela, puisque ce seront ces éléments-là très concrets qui vont déterminer en réalité le cadre général de la réutilisation des données culturelles. Je vais peut-être juste vous donner deux, trois idées qui portent plutôt sur le domaine des archives, parce que d'abord, je ne voudrais pas, là encore, parler à la place de mes collègues des musées ou des bibliothèques, mais c'est vrai que pour ce qui est du secteur des archives, ce sont des vœux que je formule en tout cas, même si l'on a vu, et c'est très intéressant en soi d'ailleurs, des exemples extrêmement différents, hein, de solutions qui ont été adoptées actuellement pour faciliter ou, disons, favoriser la réutilisation. Moi, je crois, en tout cas, c'est le vœu que je formule, que même si, évidemment, il convient de respecter le principe de libre administration des collectivités territoriales, c'est un droit constitutionnel, néanmoins, je souhaiterais vraiment que pour les usagers, pour les citoyens, on ait un paysage le plus convergent possible en termes de réutilisation des données archivistiques. Je parle d'une façon très large. Mais ça me paraît indispensable. Ce qui a fait et ce qui fait toujours la force de notre réseau de services publics d'archives, c'est la mise en œuvre de normes, d'une doctrine en quelque sorte partagée. Et cela vaut pour effectivement les politiques de collecte comme de description de ces fonds. Donc je crois que pour ce qui est de l'accès également à ces fonds et donc pour ce qui est de leur réutilisation, d'avoir effectivement et d'offrir à l'ensemble de nos citoyens et des usagers des pratiques qui soient le plus convergentes possible, je n'ose pas dire identiques, ça me paraîtrait être quelque chose de tout à fait souhaitable. Et je pense d'ailleurs que sinon, nous risquons de nous heurter à des incompréhensions très fortes de citoyens qui ne comprendraient pas pourquoi des archives qui sont à l'origine des archives publiques, véritablement, des domaines, des informations de nature vraiment publique, se trouveraient être, je dirais, pour ce qui est de leur réutilisation, je dirais, conditionnés à des pratiques qui seraient tout à fait différentes selon les départements ou selon les collectivités. Je crois que ça serait quelque chose qu'on aurait du mal à expliquer. Donc, je plaide beaucoup pour que l'on travaille à une convergence de nos pratiques dans ce domaine. Et j'espère que, justement, la transposition de la directive européenne nous facilitera ce travail de convergence une nouvelle fois. Deuxième conviction que j'ai très fortement, et ça, je dois dire que je l'avais déjà exprimé dans l'instruction de 2010, je crois véritablement que toute réutilisation à des fins scientifiques, éducatives, historiques, culturelles, doit se faire de façon, je dirais, totalement libre et gratuite, la plus ouverte possible en tout cas. Je crois que c'est notre mission, je parle encore vraiment pour le réseau des services publics d'archives, la raison pour laquelle d'ailleurs nous conservons des archives dans nos services à titre historique, c'est à des fins de recherche justement historique et statistique. Donc je crois qu'il faut rester très, très, comment dirais-je, fidèle à notre mission de ce point de vue-là, et que toute réutilisation, une nouvelle fois, à des fins de recherche, au sens le plus large du terme, doit être la plus libre, une nouvelle fois, et la plus donc libre possible, donc ça veut dire gratuite. Très honnêtement, je plaide beaucoup pour cela. La question aussi de la qualité des informations me paraît être quelque chose d'intéressant. Il faut s'y arrêter un peu. Laurent Manœuvre, dans l'exemple qu'il nous a donné pour les musées, c'était assez éclairant de ce point de vue-là. On voit qu'effectivement, le fait de favoriser la diffusion et la réutilisation de métadonnées et de données fiables, produites par nos institutions, par nos services, est la meilleure façon d'éviter que ne circulent également des informations altérées, tronquées et je dirais en termes de potentiel de connaissance évidemment bien moindre que ce que nous pouvons posséder. Donc tout le travail remarquable qui est fait déjà de description des fonds, de référencement, de contextualisation des données culturelles que nous conservons notamment dans les services d'archives publiques, mais ce n'est pas exclusif, je crois que tout ce travail-là, il sera valorisé par également une véritable politique de réutilisation et de diffusion au sens large du terme. Enfin, je voudrais rappeler quand même que si toutes ces politiques aujourd'hui ou cette ambition de réutilisation des données culturelles est possible, c'est parce qu'il y a depuis plus de 15 ans des programmes de numérisation très importants qui ont été à la fois soutenus par l'État et notamment par le ministère de la Culture et par les collectivités territoriales. Il ne faut jamais oublier cela parce que j'ai l'impression que parfois aujourd'hui on a l'impression que tout notre patrimoine, entre guillemets, est déjà numérisé et que donc ne se pose que la question de la réutilisation éventuellement. Or, il ne faut bien pas oublier que c'est une part infime de ce que nous conservons, entre guillemets, qui se trouve être numérisé, donc potentiellement accessible et réutilisable. Pour ce qui est des archives, je crois que dans nos différentes estimations, on oscille entre 3 à 5 %. Ce n'est pas plus que cela. Donc les quelques 450 millions de documents dont je vous parlais ce matin, ça représente une part infime du patrimoine culturel, du patrimoine informationnel que nous possédons dans nos services publics d'archives. Donc il ne faut pas perdre de vue le fait qu'il convient, à mon avis, toujours de soutenir ces politiques de numérisation. Moi, j'ai quelques craintes de ce point de vue-là. Je vois que, d'ailleurs, c'est valable pour l'État, ça l'est aussi, je sais, pour certaines collectivités. On a tendance à se retirer et à ne plus soutenir des politiques de numérisation. En tout cas, dans le secteur des archives, c'est une tentation qui est réelle. Je crois que ça serait une erreur et qu'il faut absolument que considérer que numérisation, accessibilité, réutilisation, tout cela forme une forme d'écosystème et que si nous voulons développer la réutilisation de ces données, il faut poursuivre des programmes raisonnés de numérisation. On ne va pas tout numériser. Dans notre secteur, c'est absolument illusoire et ça serait d'ailleurs même pas pertinent. Mais je crois qu'il faut construire et continuer à construire et imaginer des programmes raisonnés de numérisation de certaines grandes séries de fonds d'archives. Donc c'est quelque chose d'important. Enfin, l'on voit qu'un des derniers points sur lequel on a beaucoup parlé, et on en a beaucoup parlé ce matin évidemment, on voit qu'en permanence, on navigue entre différents types de droits, je dirais, dans différents textes. Hein. On a beaucoup parlé, évidemment, de la loi CADA, on a parlé de la CNIL, on a parlé du code du patrimoine, on a parlé du code de la propriété artistique, littéraire artistique. Bon, on voit également que, et c'est ce que nous espérons de la transposition, il y a un travail quand même d'harmonisation, là aussi, de convergence opérer entre nous pour favoriser ou rendre possible dans certaines conditions la réutilisation quand elle est possible et souhaitable, et qu'en réalité, enfin, on le sent parfois, notamment ce matin, je crois que c'était assez sensible, en fait, que parfois, eh bien, justement, si on additionnait tous les obstacles possibles posés par le code de la propriété intellectuelle, si on y ajoute également toutes les éventuelles restrictions, qui pour certaines sont légitimes d'ailleurs, hein, à la diffusion de données personnelles, en réalité, on va finir par restreindre et à réduire à une peau de chagrin ce qui serait réutilisable. Alors, je ne dis pas forcément que tout est réutilisable par principe, mais je crois qu'il faut quand même choisir à un moment, je dirais, une politique, essayer d'assurer justement dans les différents textes et dans les différentes, après ça, l'exégèse de ces textes, assurer un minimum de convergence pour que l'État, quand même, porte une politique qui soit jugée cohérente. Or, aujourd'hui, parfois, on a quand même tendance, ou on pourrait avoir l'impression qu'entre, effectivement, le souci de protection des données personnelles, qui peut être une notion extrêmement extensive, une définition très extensive. Il y a un projet de règlement européen qui est à l'étude depuis maintenant 3 ans, je crois, hein, pour la protection des données personnelles, qui, s'il passait ou s'il était passé tel qu'il avait été conçu au départ, aurait de toute manière réglé le problème de toute réutilisation, puisque tout ce qui était effectivement, enfin là, 4/5 des archives auraient dû être de toute manière détruites, anonymisées, pseudonymisées, enfin bref, etc. Donc, de toute manière, aurait perdu tout intérêt en termes d'information et donc tout intérêt en termes de réutilisation. Donc, d'un côté, et c'est toujours à l'ordre du jour, il y a ce projet de règlement européen. Dans l'autre côté, on nous parle beaucoup d'open data, mais il faut bien voir quand même que là, parfois, on a l'impression que ce sont des injonctions un petit peu contradictoires. Je force un peu le trait, je ne veux pas du tout dramatiser les choses en fin de journée, mais néanmoins, il faut quand même avoir conscience parfois que ça peut être effectivement ne pas aller forcément dans le même sens, d'où d'ailleurs beaucoup d'interrogations de la part de notre réseau, et puis d'interrogations que nous-mêmes nous partageons. Et je crois que donc, l'action de l'État va gagner en limpidité et en compréhension quand on aura effectivement trouvé, je dirais, peut-être une voie médiane qui respecte à la fois, une nouvelle fois, le droit des individus, le respect à leurs informations de titre privé, qui respecte évidemment le droit d'auteur, le droit de la propriété intellectuelle et artistique, mais également une vraie politique de réutilisation et de diffusion de ces données culturelles. En plus, c'est en tout cas encore une nouvelle fois le vœu que je formule, de façon la plus ouverte et la plus gratuite possible lorsqu'il s'agit de favoriser la recherche et la diffusion effectivement de données culturelles pour la connaissance de tous les citoyens qui y ont droit. Voilà. Merci beaucoup et merci pour votre... Merci pour votre attention. Et puis, je voulais faire un petit coup de chapeau à Bruno Ricard, à Emmanuel Pénicaud, à Marie Ranquet et à l'INP, qui, parce que c'est eux qui ont organisé cette journée. Voilà, merci beaucoup.